Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. Nous sommes le mercredi 16 juin 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même. C'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont Adrien Blanquet qui est là pour nous parler de son prochain salon du fitness et de son entreprise entre autres. Donc bonjour Adrien. Bonjour. Comment ça va? Eh bien ça va bien et vous? Ça va, merci. Bon, on peut se tutoyer. Oui, pas de souci. Avant de parler de tout ça, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors du coup, bah, moi je m'appelle Adrien Blanquet, donc je suis d'originaire de Ville-sur-Yon. Là actuellement j'habite Laxou et donc du coup bah, je suis venu ici pour parler en fait de mon projet, donc le salon du fitness qui aura lieu le 16 et 17 octobre à Épinal au centre des congrès. D'accord. Et donc, une nouvelle fois, avant de nous plonger pardon, concrètement dans cette émission, quel a été ton parcours scolaire et professionnel pour en être là où tu en es aujourd'hui? Alors, mon parcours scolaire, j'ai étudié en fait au lycée Isabelle Viani, donc rien à voir avec l'événementiel, bien entendu. Hein. Et du coup, j'ai eu un enfant assez tôt. D'accord. Donc du coup il fallait que je trouve quand même un travail pour venir aux besoins de ma fille justement. Donc grâce à l'émission locale j'ai travaillé pendant 2 ans en fait dans une maison retraite en tant qu'agent d'entretien du bâtiment. Et en fait j'étais dans des associations d'événementiel et ça m'a permis en fait d'ouvrir les yeux pour me dire bah il fallait peut-être que je me lance aussi dans l'événementiel. Et du coup, bah, je me suis dit que je vais peut-être créer une entreprise. Donc, j'ai demandé à des proches qui avaient justement leur association dans l'événementiel. Et du coup, bah, voilà, du coup j'ai créé DCM Events. Ok, donc justement, tu me tends la perche. Bien que nous allons en parler durant toute cette heure d'émission, entre autres, peux-tu présenter rapidement ton entreprise de DCM Events? Alors, DCM Events, c'est une entreprise qui a été créée fin 2018. Donc, j'ai fait des petits événements comme des lotos, des soirées années 80. Et du coup, ensuite, j'ai pu me lancer dans d'autres projets, mais qui n'étaient pas avec mon entreprise, entre guillemets, en fait. Donc, j'ai pu aider d'autres personnes à faire des événements. Et puis, l'année dernière, j'ai fait une petite année sabbatique, on va dire, suite au coronavirus. Donc, du coup, c'était un peu difficile de créer des événements. Voilà, quoi. Donc, ça fait 2 ans à peu près que, dans ma tête, j'essaye d'organiser, justement, ce fameux salon du fitness qu'on va parler d'ici quelques instants. Et donc, pourquoi ce nom de DCM Events? Est-ce que ces 3 lettres, donc DCM, ont une signification particulière? Alors oui, tout à fait. DCM, ça veut dire dans ce monde. Okay. Donc du coup, pour la petite info, en fait, j'ai fait de la musique quand j'étais plus jeune, donc du rap. Et j'avais une chanson qui s'appelait Dans ce monde. Et j'ai beaucoup aimé cette musique. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas appeler l'entreprise DCM Events pour exploiter justement tout ce qui se passe dans le monde, mais essayer de le faire justement en France, des événements, peut-être qu'on peut retrouver peut-être en Allemagne ou autre part, mais peut-être essayer de les faire en France et pourquoi pas voir pour que ça marche, justement. D'accord, voilà. Donc, justement, events qui veut dire événement en anglais. Justement. C'est ça, tout à fait. Et donc, comment t'es venu, car comme tu l'as dit, cette entreprise, tu l'as créée en 2018. C'est ça. Donc, comment t'es venu cette envie de créer ton entreprise? Tu t'en as un petit peu parlé, mais peut-être peux-tu développer? Alors, en fait, du coup, bah, j'étais vraiment dans des associations d'événements. Et du coup, j'aimais beaucoup le monde du spectacle aussi, bien avant. Hein, j'allais assister à des concerts, etc. Et j'aimais beaucoup voir les backstage, entre guillemets, de ce qui se passait, comment on montait une scène, comment on organisait un événement de A à Z. Et je me suis rendu vite compte en fait que c'était énormément de travail et donc du coup ça m'a donné encore plus envie en fait de me lancer dans les événements et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une entreprise d'événements. Je connais certaines personnes qui ont leur entreprise et qui n'ont pas coulé même pendant cette période de crise sanitaire bien entendu et donc du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de faire justement une entreprise d'événementiel, d'en faire mon métier, mais voilà quoi, actuellement avec la crise sanitaire comme on en parlait c'est compliqué. Ouais, j'imagine bien. Et donc vu que cette entreprise existe depuis 2018, je suppose que tu as déjà organisé différents projets avec ton entreprise, donc, et que cette année aussi tu organises un fameux projet, donc un salon du fitness. C'est ça. Donc pourquoi ce domaine d'activité du fitness? Alors le fitness, parce que du coup je suis passionné en fait de sport, okay. Donc j'aime beaucoup le sport, le fitness, etc. Mais pas que. Et donc du coup, à Épinal, en fait, il y a énormément de salons. On a la chance à Épinal quand même d'avoir pas mal de salons au centre des congrès. Que dans certaines villes, on n'a peut-être pas une aussi grosse programmation en fait dans un centre des congrès ou dans un parc des expositions. Mmh. Et donc du coup, je me suis dit bah pourquoi pas lancer un salon du fitness, sachant qu'en plus à la ville d'Épinal, il y a quand même plusieurs salles de sport, mais pas que. Hein, aux alentours, il y a quand même pas mal de domaines sportifs. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas lancer un salon du fitness. Donc cette idée m'est venue en fait avec un ami à moi il y a 2 ans maintenant, en 2019. Okay. Et j'avais déjà le projet en fait en tête depuis mes tout débuts que j'ai créé l'entreprise, mais enfin, j'avais pas cet accompagnement-là que j'avais de mon ami en fait. Et d'ailleurs, je le remercie. C'est grâce à lui justement qui ça me permet de me pousser petit à petit justement à aller de plus en plus haut par rapport à l'entreprise. Et ça m'a donné justement cette force de faire le salon du fitness qui aura lieu cette année. Il aurait dû avoir lieu l'année dernière avec la crise sanitaire. Malheureusement, ça a été annulé. Je savais pas trop comment faire. C'était quand il y a eu la période du confinement, j'avais déjà commencé en fait à contacter des exposants. D'accord. Mais des entreprises entre guillemets, mais après je me suis dit peut-être revoir avec eux est-ce que c'est utile de faire quelque chose cette année, ou vaudrait pas mieux reporter le projet. Et du coup tout le monde m'a dit fallait reporter le projet parce qu'on n'avait pas de visibilité sur l'avenir. Et je les remercie d'ailleurs, parce que du coup en octobre, c'était quand même la période où c'est qu'il y a eu le nouveau confinement. Mmh. Et donc du coup c'était compliqué quoi. Ok. Et donc justement cette année, ça sera la première édition de ce salon. C'est ça, tout à fait. Donc comment s'est passée la prise de contact avec le centre des congrès pour pouvoir organiser ce salon du fitness? Alors la prise de contact avec le centre des congrès, ça a été en 2019, c'était au mois de novembre, justement grâce à mon ami qui m'a dit fallait que je fonde, donc il fallait que je prenne les contacts, etc. Donc du coup, j'ai pris contact justement avec le centre des congrès d'Épinal, Perrine qui m'a accueilli avec Gérald justement, donc la personne qui s'occupe du centre des congrès d'Épinal. On a discuté du projet. Ah, il nous a fallu peut-être 10 minutes pour vraiment que le projet soit accepté par eux, parce que on peut pas faire n'importe quoi au centre des congrès d'Épinal, bien entendu. Donc du coup ils ont tout de suite accepté, ils m'ont tout de suite donné des conseils pour organiser un salon, parce que c'est quand même mon premier salon. Et du coup même avec les associations que j'avais avant, que j'ai pu être bénévole, on n'avait jamais organisé ce genre de projet, donc du coup ça m'a permis justement grâce à eux d'avoir plus d'informations et de pouvoir justement mieux développer mon projet. Ok. Et donc ce salon du fitness, il s'appelle donc c'est le salon Fit & Lore. C'est ça. Et donc pourquoi ce nom de Fit & Lore? Alors Fit & Lore, c'est comme on peut apercevoir en fait sur mon logo, c'est le drapeau de la Lorraine. Donc en fait justement je reviens à mon ami, on est passionné justement de tout ce qui est en Lorraine en fait, et c'est notre région, donc du coup on est obligé de passionner pour nous, et je me suis dit justement par rapport à d'autres projets que je vais organiser dans le futur, il y aura toujours en fait ce petit nom là il y aura toujours l'or en fait. Donc du coup c'est pour donner justement un signe qu'on pourrait reconnaître que c'est moi qui organise en fait, que c'est mon entreprise qui organise. Mm-hmm. Avec justement à chaque fin de mot de mon projet le mot l'or en fait. Ok, donc fit voilà. Pour fitness du coup. Fit, voilà, pour le fitness et aussi. Et l'or, ouais. Lorraine, donc ça fait comme un mot anglais, fit. C'est ça, fit and lore, voilà, ça fait comme un mot anglais. Voilà. Et donc, du coup, comme tout salon, il faut bien sûr des exposants. Tout à fait. Et donc, comme tu en as parlé un petit peu plus tôt, ça n'a pas été trop difficile de les trouver, tous ces exposants? Alors, c'est la partie la plus difficile, on va dire. C'est okay. La partie la plus difficile, parce que le monde du sport, beaucoup en font, hein, c'est une évidence. Mais des entreprises, il n'y en a pas énormément. Donc, du coup, il faut quand même contacter. Donc, moi, je me suis basé, en fait, sur tout ce qui était justement dans les Vosges, déjà pour commencer. Mm-hmm. Pour justement éviter d'avoir des entreprises qui viennent dire justement que je les ai pas contactées pour participer au salon. Du coup, après, moi, j'ai contacté tout ce qui était en Lorraine. Et ensuite, j'ai contacté un petit peu dans toute la France pour voir avec les exposants s'ils étaient partants pour faire partie du salon, justement. Mais en cette période de crise sanitaire, ça reste quand même très difficile. d'avoir des exposants, problème de trésorerie suite au confinement, des exposants qui préfèrent justement, des entreprises qui préfèrent justement venir en 2022 quand il y aura une meilleure situation, parce qu'il faut pas oublier que même si la vie est à nouveau accessible, on va dire entre guillemets, il y a quand même des conditions de passe sanitaire, des conditions justement que des masques dans les salles à l'intérieur, etc. Une capacité de personnes réduite. Donc du coup ça reste quand même pour des exposants qui ont eu des entreprises qui ont eu l'habitude d'avoir des de faire des salons avec une capacité libre et puis justement des conditions qui n'y avait pas comme maintenant, pour eux c'est embêtant quoi. Donc du coup ils préfèrent attendre peut-être 2022 aussi pour pouvoir retrouver justement cette situation qu'on avait avant, et on l'espère aussi. Et il n'y aura pas seulement des exposants, on en parlera un tout petit peu plus tard, mais justement dans ces exposants, est-ce qu'il y aura par exemple des coachs sportifs, des Alors sportifs, tout à fait, il y aura des coachs sportifs, on pourra retrouver, donc justement on en parlait avant, des salles de sport, donc des salles de sport qui sont sur Épinal, mais pas que justement, on pourra retrouver justement des équipementiers, donc pour les professionnels des salles de sport ou autres, on pourra retrouver comment des nutritionnistes, on pourra retrouver il y aura un petit espace influenceur, donc ça on pourra en parler aussi après, mais voilà quoi. Donc du coup on va retrouver vraiment tout un domaine sportif, on va essayer vraiment d'avoir le maximum d'exposants dans ce domaine là pour justement que le salon soit une réussite, et puis que ça reste quand même basé que dans le fitness, et on essaye aussi un petit peu dans le bien-être aussi. Ok, donc justement, comme tu l'as dit, il y aura des influenceurs. Mais avant d'en parler plus en détail, et avant de parler plus en détail de la programmation du salon, je te propose de nous lancer dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que tu as choisie. D'accord. Et que nous écoutions un premier titre électro, car je vais être franc, les pauses musicales présentes dans cette émission sont toutes des pauses musicales style électro. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, je propose que nous écoutions Robert Christian, je ne sais pas si je le prononce bien, avec sa musique intitulée Cover It Up. Pour donner un petit peu les références, comme j'aime bien le faire, cette musique est sortie en 2019 et est, comme je l'ai dit, une musique plutôt typée électro. Donc on écoute Robert Christian avec sa musique Cover It Up. En plus, le clip est plutôt sympa à regarder. Tout à fait. Et donc on se retrouve juste après. You like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. How it feels. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h16, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Robert Christian avec sa musique intitulée Cover It Up. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route ou pourquoi pas sur un transat, sur votre terrasse avec la chaleur qu'il y a à l'extérieur justement. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Adrien Blanquet, qui est là pour nous parler, entre autres, du salon du fitness qu'il organise en octobre prochain. Ça va toujours ? Ça va toujours. Parfait. Donc, je vais te poser une question que je pose toujours après une pause musicale. Pourquoi avoir choisi cette musique très électro de Robert Christian ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Alors, il n'y a pas forcément de raison particulière, mais c'est surtout parce que dans les salles de fitness, de sport, et puis souvent quand les personnes vont courir, etc., c'est souvent l'électro, là où ce qu'on peut retrouver justement dans ces fameux milieux, dans ces fameuses salles. Et donc, du coup, ça permet aussi de montrer ce qu'on pourra avoir aussi au salon du fitness. Ça sera ce genre de musique qu'on retrouvera au salon du fitness, en fait. Et puis oui, et même dans les salles de sport, beaucoup de musique électro, est-ce que ça motive, ça donne la pêche quelque part ? C'est ça, moi c'est ce que j'écoute pour me motiver, et j'ai des amis à moi qui écoutent ça aussi pour se motiver, donc du coup c'est efficace. C'est vrai. Donc du coup, comme nous disions avant cette pause musicale, dans ton salon du fitness, il y aura des influenceurs. C'est ça. Donc est-ce que tu as des noms à nous donner concernant ces influenceurs, ou est-ce que c'est top secret ? Alors je vais en donner quelques-uns. Du coup, il y aura Bionic Body. Donc c'est un influenceur sur Instagram, on peut le retrouver, il a 300 000 abonnés à peu près. Okay. Donc il participe souvent à plusieurs salons. Donc du coup ça a été assez facile en fait de voir avec lui. On pourra retrouver aussi Angelique NG. Donc c'est quelqu'un qui vient de Cannes et qui aura aussi un petit stand en exposition. Donc on pourra la retrouver sur un espace influenceur, mais elle fera aussi des animations. Angelique NG, c'est quelqu'un qui a fait partie en fait de Koh Lanta il y a quelques années. Je pourrais plus vous dire l'année exacte, mais voilà quoi. Donc du coup, c'est un plaisir aussi de la recevoir. Et on aura en grosse tête, théoriquement, on a encore, on n'est pas sûr par rapport justement à la vaccination, etc. C'est quelqu'un qui vient des États-Unis. Il s'appelle Jam Cordez. Et donc du coup c'est juste ça qui bloque un petit peu en fait. C'est par rapport à la vaccination. Et donc du coup voilà. Mais sinon, le reste, ça reste secret, mais il y en aura beaucoup plus. Ok, ouais, ça reste des sacrés noms quand même. Voilà, tout à fait. Au niveau de l'influence fitness, tout ça. Donc, quelles ont été tes démarches pour les contacter, pour les avoir dans ton futur salon ? Alors, les démarches, du coup, je suis souvent allé sur Instagram, en fait, déjà pour voir un petit peu, je me suis renseigné sur d'autres salons. Donc le salon fitness à Paris, il y a le salon à Lyon, il y a le salon à Tarbes, donc le Breakfit qui est un très très gros salon. Et donc du coup, j'ai regardé un petit peu les influenceurs, et après j'ai été sur Instagram et on peut trouver assez facilement en fait leur adresse mail. D'accord. Donc soit eux, soit leur manager entre guillemets. Et du coup moi après j'ai pris contact avec eux, et puis ensuite on a pu échanger. Donc sur tous les influenceurs que j'ai pu contacter, on va dire il y a même pas la moitié qui m'ont répondu quoi. Donc du coup, mais voilà quoi, après c'est normal, hein, il y a comment, il y en a ils sont peut-être pas intéressés, il y en a ils ont peut-être d'autres projets, mais en tout cas ceux qui m'ont répondu ont trouvé que l'organisation du salon était très bien organisée justement, et du coup ça me permet d'être satisfait, et puis si je peux leur rendre service aussi d'être au salon pour avoir une visibilité en plus, je suis content. Oui, voilà. C'est un système gagnant-gagnant en fait. C'est ça, parce que du coup des personnes qui forcément vont peut-être pas connaître, je dis une bêtise, mais Angelique NG par exemple, quand ils vont aller au salon, si par exemple elle anime pendant que certains visiteurs viennent au salon, du coup ils vont peut-être se renseigner pour savoir qui c'est, surtout qu'en plus elle a quand même, comme je disais, elle aura une petite boutique, un petit stand lors de l'événement, donc du coup ça peut permettre aussi de vendre, ça peut permettre d'avoir une visibilité en plus quoi, du coup. Et surtout si certains de nos auditrices ou certains de nos auditeurs sont des assidus de Fort Boyard, pas du tout, de Koh-Lanta, s'ils ont vu Angélique à la télé, ils vont dire ah tiens, je la connais. Voilà, tout à fait. C'est aussi pour ça, ça permet en fait de ramener, entre guillemets, des fans, on va dire, ceux qui les suivent sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça peut nous ramener du monde. C'est un système gagnant, comme on disait à l'instant. Hein. Donc, du coup, moi, je suis satisfait de recevoir des influenceurs. Bien sûr. Qu'ils ont accepté ma proposition parce que ils auraient pu refuser. Mais voilà, quoi. Donc, du coup, maintenant, c'est à nous d'organiser ça comme il faut pour leur venue, justement. Et on va essayer qu'ils repartent avec une bonne image, quoi. Bien sûr. Surtout si l'influenceur que tu m'as donné son nom des États-Unis, j'ai pas retenu. Alors Jamcore DZ. Voilà, s'il vient des États-Unis jusqu'à Épinal, quand même, ça fait un sacré bout de. C'est ça. Donc c'est vrai que s'il faut qu'il ait une bonne vue de. C'est ça, faut qu'il ait une bonne vue. Faut donc du coup, on a eu plusieurs contacts par téléphone. Hein, ça a pas été juste un seul contact. Ok. Justement pour savoir un petit peu la programmation, les exposants, savoir justement les conditions sanitaires qu'il y aura pendant cet événement. Et du coup, bah voilà quoi. Après, ça s'est fait petit à petit, mais. Il y a juste la vaccination qui bloque entre guillemets pour lui. Donc après on verra par la suite, mais théoriquement il est censé être là. Et du coup il parle français Il parle français, tout à fait. Ok. Donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure, enfin surtout tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais comment as-tu organisé la programmation de ce salon ? Alors la programmation du salon, donc pour juste informer donc ceux qui nous écoutent, dans le salon, donc ça fera 1600 m² et il y aura deux salles en fait. Okay. Donc du coup pour ceux qui connaissent le centre des congrès à Épinal, le salon n'aura pas lieu dans la grande salle de 5000 m², mais aura lieu en fait derrière, là où on peut retrouver en fait actuellement tout ce qui est centre de vaccination. Au centre des congrès. Donc du coup, c'est les deux salles derrière. Donc il y aura une salle qui va être basée sur tout ce qui est musculation et nutrition. Donc les équipementiers, ceux qui vendent des produits diététiques pour le sport. Et on pourra retrouver aussi un espace dans l'autre salle cardio et tout ce qui est habits pour les sportives. Enfin et puis d'autres exposants, peut-être du bien-être, etc. Et en fait, il y aura sur les deux salles là, il y aura deux scènes. Donc du coup, c'est ce qui va nous permettre en fait d'avoir une programmation plus grande, parce qu'au lieu d'avoir une seule scène comme certains salons ont, là on aura vraiment deux scènes. Donc ça veut dire que si le public est plus intéressé à aller faire une programmation dans la salle là où il y a la musculation et la nutrition, eh ben il pourra y aller, mais il y aura quand même une animation dans l'autre salle en même temps. Donc c'est-à-dire qu'on aura double de programmation, et ça permet justement à ceux qui sont là. Les coachs sportives, mais pas que, hein, ceux qui vont présenter leur entreprise, etc. Ça leur permet en fait d'avoir de la place pour se montrer, pour avoir une visibilité en plus. Donc du coup, c'est gagnant pour eux, quoi. Et puis pour nous aussi. Et donc du coup, vu que c'est une sacrée organisation, donc vous êtes combien à travailler dessus ? T'es pas tout seul ? Ah non, je suis pas tout seul. On a à peu près, je suis vraiment celui qui organise, qui s'occupe un petit peu de toutes les démarches, etc. Okay. Mais sinon, derrière, on a des bénévoles, des personnes qui, genre par exemple, mes parents m'aident un petit peu. J'ai mon ami que je disais au tout début de l'émission, qui m'aide justement pour la programmation. Et puis voilà quoi. Puis le jour de l'événement, j'ai eu avec une boîte d'intérim justement pour avoir du monde au staff. Donc du coup. Il y aura à peu près une dizaine de personnes qui seront là, en tout cas, lors de l'événement, pour gérer tout ce qui est staff, tout ce qui est sécurité, etc. Donc, du coup, ça devrait le faire. On a vu avec le centre des congrès pour voir si pour un événement comme ça, le nombre de personnes qu'on embauche, ça suffit. Et donc, du coup, ils nous ont dit oui. Donc, c'est très bien. Et donc, comme tu l'as dit un tout petit peu avant, il y aura pas que des influenceurs, il y aura également des coachs sportifs. C'est ça. Donc là aussi, tu aurais quelques noms à nous donner, ou est-ce que pareil, c'est... Alors, du coup, les coachs sportifs, on pourra retrouver par exemple Laurent Duchesne. Donc, c'est un coach sportif qui est dans les Vosges. Donc, il fera des initiations de tout ce qui est kettlebell, barre olympique. Donc, on pourra le retrouver 4 fois par jour, donc le samedi et le dimanche, sur la scène, justement, musculation et tout ce qui est nutrition. Donc, on le retrouvera dessus. On retrouvera justement Angélique Enji qui pourra faire des animations. On retrouvera, en ce moment on en parle un petit peu, mais ça devrait normalement se faire, les cours Yako de l'Orange Bleu, donc à Golbey. Du coup, on pourra retrouver quelques cours. Il y aura des cours collectifs, donc des amis à moi qui sont du côté de Nancy, Vendeuvre. Donc, surtout un coach qui travaille pour Basic Fit, donc du côté de Vendeuvre. Et ça fait 2 ans à peu près qu'on est en contact. Et donc, du coup, lui, il était partant depuis le début. Il m'a jamais lâché, donc je le remercie aussi. Et du coup, il fera quelques cours collectifs aussi. Voilà. Ok, donc tu as également un petit peu répondu, mais bon, je vais quand même te poser la question. Est-ce que lors de ce salon du fitness, du coup, les visiteurs pourront, pourquoi pas, participer à un cours de fitness avec un vrai coach? Tout à fait. Alors du coup, en fait, il y aura des cours collectifs, comme je disais à l'instant. Donc il y aura des cours de body attack, body pump, il y aura les cours Yako, normalement, les initiations justement avec Laurent Duchesne. Donc ça permet en fait au public de voir un petit peu les activités et justement de faire des activités sportives lors de l'événement. Et c'est ce qui permet d'avoir une animation et proposer au public d'avoir une animation et pas juste visiter et voir des exposants. C'est justement le but du salon, c'est de faire découvrir plein d'activités et de trouver justement pourquoi pas une activité qui est mieux que d'autres. Et donc du coup pour les visiteurs, ça se trouve ils aimeront peut-être plus le body attack, donc du coup peut-être qu'ils feront que du body attack à l'avenir. Donc pour moi ça permet d'avoir une belle animation en tout cas. Et il me semble savoir également, comme tu me l'as dit en préparation de cette émission, car on a échangé quelques mails. Oui, tout à fait. Qu'il y aura également la présence d'une association qui s'appelle l'association Force et Sourire. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? L'association Force et Sourire, donc c'est une association qui est en fait basée en fait sur tout ce qui est santé, sport, mais aussi par rapport à les enfants malades, les handicapés. Donc du coup, c'est une association qui va nous aider à justement monter le projet donc jusqu'au bout, et ça permettra aussi d'avoir des bénévoles aussi lors de l'événement. Ok, et il y a également un logo Fit Events. Tout à fait, donc FIT Events, donc ouais, ça c'est FIT, une association ouais. que moi-même j'ai créée, okay. donc en rapport avec le sport justement, et ça permettra en fait d'avoir d'autres événements sportifs à l'avenir. Justement, FIT Events, ça sera que dans le sport, et DCM Events, c'est vraiment mon entreprise, et ça sera vraiment basé sur d'autres événements. Il y aura un peu de sport, mais il y aura d'autres événements comme on pourra en parler, quoi. Et donc, comme on en parle depuis le début de cette émission, il y a ce qu'on appelle la crise sanitaire. Tout à fait. Que tout le monde connaît, je pense. Ah oui. Donc, la crise sanitaire que nous connaissons toutes et tous depuis un moment maintenant. Oui. An et demi, si c'est pas plus. Bien sûr, c'est évident pour personne. C'est une période compliquée, pour ne pas dire très compliquée, pour chacune et chacun d'entre nous. Donc, as-tu, on va dire, une roue de secours au cas où le salon ne se déroulerait pas? Alors, si jamais le salon ne se déroule pas, ce que je souhaite pas pour moi et puis pour les exposants et les influenceurs, parce que ça a été énormément de travail quand même jusqu'ici, si jamais le salon ne vient pas à se faire, j'ai vu avec le centre des congrès pour faire un autre événement. Donc on organiserait en fait justement avec l'association Force et Sourire et puis mon entreprise à moi un loto. Donc au centre des congrès. Pour le moment, la superficie, je peux pas vous dire, et puis les lots non plus, parce que je reste quand même focalisé sur mon événement. Bien sûr. Parce que j'ai pas envie de m'emmêler les pinceaux, comme on dit, hein, bien entendu. Donc du coup, voilà. Pour le moment, c'est au moins juste pour sauver l'année, pour dire qu'on fait un événement. On espère que le salon se déroulera les 16 et 17 octobre prochains, quoi. C'est tout ce qu'on souhaite, ce qui est vu. On a encore une demi-heure d'émission, mais vu tout ce qui était dit jusqu'à présent, ça m'intéresse bien aussi de pourquoi pas venir visiter. Ah oui, tout à fait. Car j'aime bien le sport aussi et tout, donc je serai pas en tant qu'influenceur parce que je n'ai aucune influence, mais en tant que visiteur, ça m'intéresserait bien. Bah tout à fait, je donnerai les places d'ailleurs. Vas-y, ça marche. Donc il est 14h30. Avant de parler de tes futurs projets, car tu en as jusqu'à 2023. Tout à fait. Quand même. Tout à fait. Je te propose tout de suite de nous lancer dans une deuxième fréquence, dans une deuxième pause musicale que tu as choisie une nouvelle fois, et que nous écoutions cette fois encore une musique électro, Around You de Dimitris Athanasiou. Une nouvelle fois, pour donner les quelques références, cette musique est sortie en 2020 et est tirée de l'album intitulé Life High, The Album de Dimitris Athanasiou, du coup. Donc on écoute ce morceau de... Je vais pas dire son nom parce que voilà. Et on se retrouve juste après. We'll be right back. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct. Il est 14h36, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line ou Orange Radio, partout en France. Vous venez d'écouter Dimitris Athanasiou avec sa musique intitulée Around You. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Adrien Blanquet qui est là pour nous parler, entre autres, du salon du fitness qu'il organise en octobre prochain. Est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie, Adrien ? Un très bon moment, en tout cas. Parfait. Donc, même question que pour la première fréquence. Oui. Y a-t-il une raison particulière d'avoir choisi Around You de Dimitris Athanasiou ? Alors, en fait, actuellement, vu qu'il y a eu l'ouverture des salles de sport, avant, donc, il y a eu le confinement, et en fait, j'ai pris un petit peu de poids, on va dire. Donc, du coup, ça me permet en fait de me motiver à la salle de sport. Et du coup, c'est une des musiques que j'écoute justement pour me motiver sur le vélo elliptique. Voilà. Ok. Écoute, c'est une bonne raison. Oui. Juste avant cette pause musicale, on parlait des différents coachs sportifs, influenceurs qui seront là, des exposants qui seront là présents au salon. Et vu qu'ici, à Radio Gemozo, on soutient vraiment tout ce qui se passe localement, il me semble, on a discuté pendant la pause musicale, que tu vas recevoir un gérant d'une boutique qui s'appelle OnFit, qui se trouve à Remiremont. Tout à fait. Alors du coup, le gérant de OnFit, on s'est contacté, ça a été l'un des premiers que j'ai pu contacter. Quelqu'un de vraiment très très gentil. En tout cas, il m'a toujours soutenu, même quand j'ai dû reporter le salon l'année dernière. Et du coup, c'est l'une des personnes qui, on va dire, m'a soutenu en tant qu'exposant. Et en tout cas, je le remercie. Et on a vu ensemble pour faire des activités, des animations pendant le salon aussi. La petite différence, c'est que lui, il ne sera pas sur la scène. Pour faire des animations avec lui, il faudra le retrouver directement sur son stand. Mm-hmm. Et du coup, on pourra par exemple faire des petits défis avec lui ou avec ses amis qui sont coachs sportifs aussi. Et pourquoi pas essayer de repartir avec un produit de sa boutique ou des goodies de notre salon, par exemple. Mm-hmm. Voilà. Parce que sa boutique, justement, OnFit, qui se trouve à Remiremont, c'est une boutique de, pas de compléments alimentaires, mais de nutrition, barres chocolatées, tout ça. Tout ce qu'on peut retrouver, justement, dans le fitness, dans le sport, la nutrition, etc., on peut le retrouver chez lui. Donc, du coup, il a souvent des bonnes marques. Et il a souvent des nouveaux arrivages en fait, donc du coup c'est une très belle boutique et en tout cas très aimable et je le conseille en tout cas pour ceux qui sont dans les coins, puis même ceux qui sont loin, s'ils veulent commander ils commandent et puis voilà. Surtout à noter qu'il n'est pas que gérant d'une boutique, il est également catcheur. Oui, tout à fait. Et donc si vous voulez le retrouver sur internet, tout ça, son nom de catcheur c'est Peter Fischer. C'est ça. Donc c'est Fischer, Fischer. C'est ça. Et Peter, comme Peter. Et vous pourrez voir ses différents matchs, tout ça. Il est plutôt doué, je dois dire. Très très bon, en tout cas. J'ai vu des vidéos et franchement, très très bon. Et voilà. Et donc, comme je l'ai annoncé avant cette pause musicale de Dimitris Athanasiou, il me semble savoir que tu as même des futurs projets jusqu'en 2023. Oui. Donc dans plus ou moins 2 ans. C'est ça. Donc c'est si long que ça pour organiser ces futurs projets ? C'est long parce que du coup, faut imaginer en fait un concept. Voir si c'est faisable, contacter les lieux où c'est qu'on peut faire justement cet événement. Donc ça peut être une salle, ça peut être un centre des congrès par exemple, ça peut être un lieu en pleine nature. Donc ça reste quand même beaucoup de travail. Après faut comme je disais, faut trouver le concept, faut justement voir un petit peu autour de nous si ce concept a marché pour éviter justement d'avoir un souci lors de l'événement ou même après. Donc du coup c'est très très long, mais voilà quoi. Donc du coup j'ai des événements jusqu'en 2023. Après j'ai des rêves en tête aussi, mais faut pas non plus voir trop loin et on va essayer déjà de voir jusqu'à 2023. Mmh. Et donc à Radio Gemozo, nous aimons avoir l'exclusivité. Donc quels sont ces futurs projets ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ou... Alors du coup si le salon se fait cette année, l'année prochaine, donc du coup il y aura normalement une deuxième édition. Mmh. Donc déjà, donc sinon ça sera la première si c'est reporté suite à la crise sanitaire. On pourra retrouver aussi en octobre, donc en ce moment, on est en train de voir avec la ville d'Épinal où organiser justement cet événement. On pourra retrouver un événement horrifique, donc une zombie run, Donc voilà, donc je le dis. Donc du coup, c'est une course d'orientation pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est une course d'orientation où c'est que on a trois vies en fait. Et sauf que la petite différence, c'est que là, il y a des zombies qui vont essayer de vous prendre vos vies. Donc c'est des petits rubans. Enfin voilà, du coup, ça permet en fait d'avoir un petit stress en plus et du coup un petit fun aussi. Donc voilà, pour 2022 en tout cas. Et ce matin, j'ai eu la chance d'aller dans un lieu sur Nancy. Pour le moment, j'en dis pas plus. Mais voilà, quoi, du coup, un événement horrifique encore cette fois-ci, mais qui sera plus gros qu'une zombie run. Ça n'a rien à voir avec une zombie run. Mais voilà, quoi, du coup, en ce moment, ça fait... quelques mois en tout cas que je suis sur ce projet-là et du coup bah ça se fait bien et là ce matin j'ai eu confirmation que je pourrais le faire sur celui-là. Voilà. Ok. Donc justement j'allais parler juste après de la zombie run mais t'en as un petit peu parlé donc on va pouvoir passer à la question suivante. Pourquoi ces futurs projets en question, d'où te sont venues ces idées ? Du coup, ces idées-là me sont venues parce que j'ai participé pendant depuis 2013, j'ai participé à des événements horrifiques. Mmh. Donc, je vais le dire, voilà, j'ai participé à la Maison du Tourment. Donc, du coup, j'ai été bénévole à la Maison du Tourment. J'ai pu voir petit à petit, en fait, les décors, comment construire les décors, etc., les backstage. Donc, au début, en 2013, mon but c'était de faire peur, etc. J'avais pas un but derrière la tête de me dire l'événementiel, etc. Et quand il y a eu le projet en fait en 2019, qui a eu lieu à la Chapelle au Bois, mm-hmm. J'ai pu aider énormément en fait l'organisateur de l'événement à construire en fait. J'étais quasiment là, peut-être pas tous les jours parce que j'avais d'autres choses à faire aussi à côté, hein, bien entendu. Mais dès que je pouvais aider, en fait, j'ai aidé à construire les décors. Donc voilà. Donc du coup, j'ai essayé d'aider le plus possible en fait pour cet événement-là. Et j'ai vu en fait que ça avait plu à énormément de visiteurs parce qu'il y a eu ça a été complet pendant tous les soirs, hein, bien entendu. Donc je félicite l'organisateur de l'événement. Mais voilà, bon, maintenant on est un peu en froid, mais voilà quoi. Donc c'est nos petits soucis entre nous. Mmh. Mais voilà quoi. Donc du coup, lui, maintenant il a décidé de faire ses projets de son côté. Donc je crois qu'il travaille pour le Manoir Maudit actuellement. Donc c'est un très bel endroit pour ceux qui veulent voir, qui veulent se faire peur. C'est voilà, je fais une petite pub aussi parce que moi je suis pas dans la concurrence. Si on peut s'entraider, on va dire entre guillemets, c'est toujours mieux que de se mettre des bâtons dans les roues quoi. Bien sûr. Voilà. Donc du coup voilà et puis c'est tout. Voilà, sur ça. Je te propose maintenant de faire un petit bond en arrière. Ouais. Je vais te poser une question que j'ai empruntée à ma collègue, le Adrien Blanquet enfant. Est-ce qu'il voulait déjà travailler dans le monde du fitness et du sport, ou est-ce que cette passion pour le fitness et le sport n'est apparue qu'après, en sachant que, comme tu l'as dit en début d'émission, tu as fait tes études au lycée, je crois, de commerce. Alors, Viviani. Lycée Isabelle Viviani. Donc, du coup, c'est la transition, en fait, c'est un petit peu drôle, hein, mais c'est la transition entre le collège et le lycée. Ok. Je me suis dit, il fallait que je me mette au sport. Parce que voilà, quoi, je savais pas quoi m'attendre, en fait, au lycée. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais me mettre au sport. Donc, tout ce qui est musculation, sport de combat, j'en ai fait un petit peu aussi. Mm-hmm. Donc, du coup, je m'y suis mis tout l'été, même un petit peu avant. Et du coup, c'est resté. Et puis, après, bah, j'ai suivi petit à petit, donc, il y avait les personnes sur YouTube. Comme quelqu'un qui est très connu, Thibaut InShape, bien entendu. Je dis pas que c'est lui qui m'a aidé justement à suivre cette voie-là jusqu'au salon du fitness, hein, bien entendu. Mais voilà quoi. Donc du coup, ça m'a permis en fait de me dire bah le fitness c'est bien. C'est comme tout travail, on voit la récompense derrière. Donc si on travaille bien, il y a une récompense derrière. Donc là, la récompense, c'est voilà quoi, c'est son propre corps en fait, les modifications sur son corps. Et donc du coup, on le voit énormément sur ceux qui progressent, de par exemple qui mettent 6 mois, 1 an. Moi, j'ai un ami à moi, il a perdu plus de 40 kilos en même pas 7 mois, je crois. Oui. Donc, du coup, mais voilà quoi, tout travail mérite récompense, comme on dit. Bien sûr. Donc il est 14h46, avant d'aller plus loin à nouveau, je te propose une nouvelle fois de nous lancer dans une nouvelle fréquence, dans une nouvelle pause musicale que tu as choisie toujours, et que nous écoutions une nouvelle fois un morceau électro, toujours, et que nous retrouvions Robert Christian, dont nous avons écouté un morceau tout à fait en début d'émission. Et donc son morceau qu'on va écouter, c'est Don't Walk Away. Et une nouvelle fois, tu es habitué désormais pour donner les petites références. Cette chanson est donc typée électro. Elle est sortie en 2018. Elle est tirée de l'album Tell Me Why. Et en plus, le clip, là aussi, est très sympa à regarder. Donc, on écoute ce titre et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. Donc, à tout de suite sur Radio Gamozo d'ici à peu près 4 minutes. Donc, à tout de suite. Robert Christian avec sa musique Don't Walk Away sur Radio Gamozo. Vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio partout en France. Vous êtes bien sûr toujours en direct, il est 14h51 et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Adrien Blanquet qui est là pour nous parler entre autres du salon du fitness qu'il organise en octobre prochain. Tout est toujours bon pour toi ? Ah, toujours bon. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédentes pauses musicales, bien que je pense déjà connaître la réponse. Tu es habitué désormais. Pourquoi avoir choisi cette nouvelle musique de Robert Christian? Toujours pareil par rapport aux salles de fitness, l'ambiance, donc house et électro. Donc, moi, c'est une ambiance que j'aime beaucoup écouter. Donc, du coup, voilà, quoi, c'est pour ça que je te l'ai envoyé pour tout le monde puisse l'écouter. Ouais, et puis ça donne la pêche, c'est bien. C'est ça. Donc du coup, j'ai également vu en préparant cette émission qu'il y a un concept que tu apprécies particulièrement, c'est le concept art et matériaux. C'est surtout les... C'est, en fait, c'était par rapport à l'événement horrifique, donc c'était tout ce qui était concept art et matériaux. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Et donc du coup, c'était juste pour préciser que voilà, quoi que il y aurait plusieurs personnes qui vont être justement sur le projet de 2023. 2022, il n'y aura pas forcément besoin, mais 2023, il y aura plusieurs personnes qui vont être là pour tout ce qui est concept art, pour monter justement les teasers justement de l'événement. Du coup, voilà, et le lieu où aura lieu justement cet événement va nous aider beaucoup dans cette organisation. Pour nous, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de bien, quoi, parce que j'ai réussi à avoir une confiance en fait d'un lieu qui est quand même assez réputé depuis plusieurs années, et donc du coup maintenant on espère que ça va aboutir jusqu'au bout, quoi. Ah bah c'est tout ce qu'on souhaite. Et donc avant de nous quitter, je tenais à rappeler à nos auditrices et auditeurs que nous organisons toujours sur notre page Facebook Radio Gemozo un concours pour vous permettre de remporter une place pour aller visiter les jardins de Westerling situés à l'adresse 16 rue de Ranspach, ou Ranspach, je ne sais pas comment ça se prononce, 68-470 Usserein-Westerling et le parc de Westerling en Alsace du coup, ainsi que son écomusée textile au niveau de la rue du parc. Toutes les modalités, pour participer sont sur notre page Facebook Radio Gemozo. Donc la parenthèse étant désormais close, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission déjà. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument de l'être ? Alors non, à part que le site web du salon sortira donc fin du mois de juin. Donc du coup, on pourra retrouver donc tout ce qui est influenceur sur ce site. On pourra retrouver justement la programmation, donc le calendrier du samedi et dimanche en détail. Et puis, on pourra retrouver aussi les réseaux sociaux. Donc, on peut me suivre donc sur Facebook, donc Salon Fit & Lore. Je n'ai pas de page Instagram, mais on peut me suivre sur DSM Events sur Instagram. Et puis la petite parenthèse, c'est que on essaye de voir aussi avec le centre des congrès pour faire une programmation le soir, justement pour avoir. Comme dans les boîtes de nuit, deux salles, deux ambiances. Mm-hmm. Mais là, où il ne faudra pas danser, il faudra justement faire des exercices. Donc, pour le moment, c'est une petite parenthèse. Ce n'est pas encore officiel. Mais en tout cas, les personnes qui suivent la page Facebook ou qui iront sur le site officiel auront la formation directement quand on aura la formation, nous, de notre côté, quoi. Donc dans tous les cas, que les visiteurs dansent ou font du sport, dans les deux cas, leur rythme cardiaque va s'accélérer. C'est ça. Donc du coup aussi, pour la petite parenthèse vite fait, c'est pas parce que on ne fait pas de sport si les visiteurs qui ne font pas de sport sont intéressés pour venir au salon, ils ont tout à fait le droit. C'est pas un salon où c'est qu'il faut être bodybuilder pour venir. C'est vraiment un salon où justement ça va permettre à ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, de demander justement des conseils. Donc justement, c'est pour ça qu'il y aura des salles de sport, d'Épinal et aussi des boutiques de la région. Ça permet justement, si c'est des visiteurs d'Épinal ou même des alentours d'Épinal, ça permet d'avoir un contact et de retrouver justement en dehors du salon ces personnes-là pour continuer à les conseiller. Et c'est pas parce qu'on est obèse ou alors qu'on est maigre qu'on ne peut pas venir au salon, c'est vraiment autorisé à tout le monde. Et au contraire, je serais vraiment très content d'avoir des personnes comme ça qui viennent au salon, parce que c'est quand même beau de voir des personnes qui viennent justement pour essayer de changer. Mm-hmm. Et du coup, voilà, on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie, mais si des personnes peuvent leur permettre de changer comme eux le souhaitent, je serais très content que ça puisse commencer au salon Fit & Lore. Ouais, c'est important de le préciser, donc comme quoi tout le monde est le bienvenu. C'est ça. Donc, si nous voulons te retrouver et retrouver l'avancée de tes projets, il y a la page Facebook DCM Events. C'est ça, donc la page Facebook DCM Events. Pour l'association donc FIT Events, c'est pareil. Donc, du coup, on pourra retrouver. Bon, pour le moment, il n'y a pas trop d'événements à part le salon Fit & Lore. Hein, donc, du coup, vraiment, la page où c'est qu'il y aura les événements, c'est DCM Events. Et la page vraiment pour tout ce qui est en rapport avec le salon du fitness, ça sera le salon Fit & Lore. Donc, comme ça se prononce. Donc, du coup, voilà. Et puis, le site web sortira fin juin. De toute façon, avec le podcast de cette émission, je mettrai les liens nécessaires pour te retrouver facilement. Comme d'accord, ça. C'est gentil, merci. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Du positif, j'espère. En tout cas, pour ceux qui m'écoutent, ceux qui m'ont écouté pendant tout le long de l'émission ou qui écouteront l'émission, je suis très content pour ceux qui m'écoutent. C'est voilà. Et puis voilà, c'est le début. Donc, on espère que les projets aboutiront jusqu'au bout. Et puis voilà, je sais qu'il y aura des épreuves plus dures que d'autres, comme j'ai eu avec la crise sanitaire. Bon, beaucoup l'ont eu, il n'y a pas eu que moi. Hein. Mais voilà quoi. Donc du coup, j'espère beaucoup de positives aussi pour toi, hein, bien entendu. Bah, merci. Et puis pour ceux qui m'écoutent. Et puis voilà. Puis la santé aussi. Bien sûr, c'est important la santé. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je te remercie une nouvelle fois, Adrien, d'avoir accepté mon invitation. Bah, c'est moi en tout cas de m'avoir reçu, je te remercie. Avec plaisir. Et cette émission sera rediffusée demain, jeudi à 18h, avec d'accord. Le podcast de cette émission, posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Si tu veux, je pourrais même te l'envoyer par mail. Eh bah, pas de soucis. Comme ça, pour que tu puisses la retrouver si tu veux la partager. Eh bah, je la partagerai tout de suite sur mes réseaux. Voilà. Voilà, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gamozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse avec la rediffusion d'un autre programme proposé par Radio Gamozo, Les Oreilles du Monde, d'ici quelques minutes à 15h. Quant à nous, nous nous retrouvons samedi à 13h30 pour un nouveau numéro de À la rencontre d'auteurs, dans lequel je recevrai par téléphone Linda Da Silva, qui sera là pour nous parler de son roman Feel Good, Le Souffle du Bonheur, et lundi à 14h, toujours en direct, pour la fête de la musique, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre dans laquelle je recevrai, si tout va bien, par téléphone Papillon, chanteur, qui sera là pour nous parler de sa carrière. Ça fait beaucoup, mais c'est ce qu'on apprécie. Par contre, concernant votre chronique hebdomadaire La Crise des Auteurs, après mûre réflexion, j'ai pris la décision de la mettre de côté pour le moment. Donc voilà. Merci de votre fidélité à Radio Gamozo et du coup, je vous dis à samedi. Donc salut et à samedi.